Et la dette que nous avons à l'égard du continent africain, c'est une dette à l'égard d'un continent qui est en train aujourd'hui de continuer à grandir de manière incroyable et qui est à plus de 70% composé de jeunes femmes, de jeunes hommes de moins de 30 ans. C'est un continent de promesses. C'est un continent d'espoir. Et donc c'est un continent à qui on doit donner la possibilité de retrouver le fil avec sa propre identité, sa propre narration, sa culture, à qui on doit donner la possibilité de créer, de participer à la création internationale, de bâtir ce à quoi il a le droit en termes de sport, d'entrepreneuriat, d'avoir la meilleure éducation, d'être un acteur du développement durable, et de le faire d'abord et avant tout pour lui. Et je crois que c'est cela qu'on a besoin d'entendre de la part de la jeunesse africaine aujourd'hui. Afrique Média, le monde, c'est nous.